force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je déclare à quelqu'un qui me suit maintenant, tu as prié pendant longtemps pour que ton contrat soit signé et que tu sois embauché. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'annonce et je prophétise que ton contrat sera signé avant la fin de cette année. Et lorsque Dieu va te positionner à ce poste-là, n'oublie pas de soutenir l'œuvre de Dieu. N'oublie pas de soutenir la radio. N'oublie pas de vivre comme un ambassadeur de Jésus-Christ. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier selon le psaume 23, du premier verset jusqu'au verset 3. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 23, 1 à 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Des paroles merveilleuses que nous avons l'habitude de lire. Mais parfois, nous ne réalisons pas la profondeur de ce que David dit dans ce psaume. Nous allons aujourd'hui partager deux grandes vérités dans cette première partie de ce psaume. Voici la première vérité. L'Éternel est notre berger si nous le connaissons personnellement. Il n'est pas le berger de tout le monde. Ce n'est pas parce que tu récites ce psaume-là même 10 000 fois que Dieu est ton berger. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », cela veut dire qu'il connaissait ce Dieu-là de manière personnelle. Je parle à quelqu'un. Tu dis que tu es né d'une famille chrétienne, que ta maman est diaconesse, que ton grand frère est pasteur. Ça ne veut rien dire. Même si vous avez combien de prêtres dans votre famille, même si tu es passé par les eaux de baptême, pour certains, le baptême, c'est comme une formalité. Tu peux dire, je suis baptisé, confirmé. Mais quand on regarde ta vie là, il n'y a pas de changement. Tu vis dans la débauche, tu vis dans la masturbation, tu vis dans le mensonge, tu vis selon le monde. Non, cela veut dire que tu ne connais pas encore ce Jésus-là. L'Éternel est mon berger. Donc, c'est lorsque nous les connaissons personnellement. Et ceci suppose que tu as rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur de manière personnelle. Le berger, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. Vous voyez, Abel avait un troupeau de many bétail, selon Genèse 4:2. Nous voyons aussi, Abraham avait aussi des troupeaux. D'Abraham jusqu'à Jacob, ses fils. Les patriarches furent des bergers. Joseph est appelé le berger d'Israël, car il a recueilli ses parents et il a pris soin d'eux en Égypte. Dans Ésaïe 44, verset 28, Dieu appelle Cyrus mon berger, car c'est lui qui devrait signer les décrets du retour des exilés juifs en Israël. Et il allait pourvoir à tous ceux dont ils avait besoin pour rebâtir la maison de l'Éternel. David lui-même était berger. Il paissait les brebis de son père. Il prenait soin des brebis et les arrachait de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Donc l'image de Dieu en tant que berger est fréquent aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Israël était considéré comme le troupeau de Dieu et ce dernier était son berger. Mais lorsqu'Israël marchait dans la désobéissance, il ressemblait à un troupeau sans berger. Lorsque, par exemple, tu te dis tu es chrétien et tu t'éloignes du Seigneur, tu t'éloignes de sa parole, donc tu deviens comme une brebis qui n'a pas de berger. Dans 1 Roi, chapitre 22, verset 17, il est dit, « Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il existe une relation intime entre les bergers et les brebis. C'est pourquoi il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent » Jean 10, verset 14. Donc, quand tu as Jésus comme berger, cela suppose que tu l'as rencontré comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu connais ce Jésus-là, tu entends sa voix et lui aussi te connaît. Il devrait avoir une intimité entre les brebis et les bergers. Cette connaissance consiste à une relation personnelle avec lui qui se manifeste par une obéissance au berger. C'est pourquoi il dira encore, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jean 10, verset 4. Deuxième vérité, le berger pourvoit à tous les besoins de ses brebis. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si réellement Jésus est ton berger, tu le connais personnellement, tu te laisses conduire par lui, tu ne manqueras de rien. Je parle à une dame, tu es en train de te plaindre parce que tu as des cautions à payer, tu n'as pas encore payé ta maison, tu as des factures à payer, ne t'inquiète pas, ne sois pas troublé. Tant que Jésus sera ton berger, tu peux dire, je ne manquerai de rien. Cesse de dire des choses négatives, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas, je n'ai que des dettes. Non, tu dois dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les riens là, tu peux remplacer par tout ce que tu veux. Tu peux dire, je ne manquerai pas de terrain, je ne manquerai pas de visa, je ne manquerai pas ma réussite aux examens, je ne manquerai pas de chaussures, je ne manquerai pas de salon, ainsi de suite. Alors, nous allons voir ici, c'est une confession de foi que David fait et chacun de nous devrait faire. Nous n'avons pas à chercher des ressources ailleurs. Le bon berger est là. Jésus nous prévient qu'il existe des mercenaires, des loups ravisseurs qui ne se donnent pas la peine pour les brebis. Nous devons pas les suivre. Les mercenaires sont aujourd'hui des charlatans, des spirites, les adeptes des mouvements occultes, les faux pasteurs qui séduisent les brebis et qui cherchent à les escroquer. Si nous suivons Christ de tout notre cœur et nous lui faisons confiance, il pourvoira à nos besoins. Ces besoins, c'est quoi? Ça peut être la nourriture, les vêtements, les paiements de nos factures, les frais de scolarité de nos enfants, les soins médicaux, etc. Cette réalité est exprimée par les quatre « il » ici. Vous voyez, quatre fois David, il dit « il ». C'est-à-dire, il pourvoit nos besoins. Quand il dit « il me fait reposer dans des verts pâturages », ça représente ici nos besoins physiques ou physiologiques. La nourriture, les vêtements. Les verts pâturages étaient des lieux appropriés pour trouver la verdure pour nourrir les brebis. Quand il dit « il me dirige près des eaux paisibles », les eaux paisibles servaient à désaltérer les brebis après avoir mangé. C'est dans ces lieux que les brebis trouvaient du repos et la restauration. Mais celui qui conduit les brebis vers ces lieux, c'est le berger lui-même. La responsabilité des brebis est de le suivre. Ce n'est pas toi-même. Tu ne dois pas te préoccuper. Le Seigneur ne dit pas « oui, tu dois te débrouiller ». Non, il faut d'abord suivre la voie du berger. C'est lui qui te conduit vers le vert pâturage et il te conduit vers des eaux paisibles. Dans le désert, l'Éternel a pourvu de manière surnaturelle aux besoins de son peuple. Il est dit dans Deutéronome 2, verset 7, « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tous les travaux de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Deutéronome 2, verset 7. Je veux parler à un frère. Écoute-moi bien. Tu te plains qu'il n'y a personne qui pourvoit tes besoins. Mais regarde comment Dieu a pourvu de manière surnaturelle à tes études. Et pourtant dans ta famille, il n'y a pas de député, il n'y a pas de ministre. Mais reconnais quand même les bienfaits de Dieu au lieu toujours de te plaindre. Il a fait des miracles. Aujourd'hui, il t'a nourri. Aujourd'hui, tu veux terminer ton cycle de maîtrise. Mais dis merci au Seigneur. Jésus a pourvu de manière surnaturelle aux besoins de ses disciples. Il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Lorsqu'il envoya ses disciples, il pourvoyait de manière surnaturelle à leurs besoins. Si tu es un homme de Dieu, tu es servante de Dieu, ne t'occupe pas trop pour dire où est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. C'est lui qui t'a appelé. Il est fidèle, il pourvoira à tes besoins. Toi, fais son œuvre de tout ton cœur. Sois sérieux, un bon témoignage. Le reste, le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. C'est le bon berger. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Vous voyez, la restauration de l'âme. Lorsque tu es, par exemple, troublé, le bon berger, c'est lui qui peut restaurer ton âme. Tu as besoin de t'approcher de lui dans la prière, de lui dire tes problèmes, de lui dire tes besoins. Ce n'est pas un homme qui peut restaurer ton âme. C'est lui le bon berger. On dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire, il nous conduit. Parfois, quand tu commences à tâtonner, tu ne sais pas quelle est la voie qu'il faut suivre. Il faut te laisser conduire par lui. Mais lui ne peut pas te conduire dans les péchés. Je vais parler à une sœur. Tu dis, tu as prié pour que Dieu te donne le mariage. Mais le monsieur là, avec qui tu marches, c'est un païen, tu le sais. Tu as même déjà vu des signes que c'est un mystique. Mais tu dis, oui, c'est le Seigneur qui m'a donné. Dieu ne peut pas te conduire dans les péchés. Tu commences à sortir avec lui alors que tu n'es pas encore marié. Toi-même, tu sais que ça, c'est l'impudicité. Ce n'est pas Dieu qui te conduit dans les sentiers du péché. Il ne conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, il faut chercher la direction divine dans tout ce que tu fais. Il faut te laisser conduire par les bons bergers. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Chantons pour lui ces cantiques. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Que tu veux. La force. gloire à Dieu. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur, là où tu es. Commence à bénir le Seigneur pour toutes ces révélations. Commence à lui dire, je te dis merci parce que tu es le bon berger. Toi qui pourvois mes besoins, élève ta voix. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Oui, nous voulons conseiller à tous ceux qui reçoivent OSB, qui peuvent partager surtout par les médias sociaux, par WhatsApp, aux amis, aux connaissances, aux membres des familles. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions selon le psaume 23. 1 à 3. Nous allons prier pour que chacun de nous développe une relation personnelle avec le bon berger. Prions surtout pour nos frères et sœurs qui vont à l'église, à la messe, mais qui ne connaissent pas Dieu de manière personnelle. Ils s'en vont seulement comme par la routine. Mais il faut prier pour eux, pour qu'ils puissent rencontrer Jésus, pour qu'ils disent « Jésus est mon berger ». Prions le Seigneur. Éternel Dieu, quelle joie d'invoquer ton nom ce matin. Quelle joie d'invoquer ton saint nom pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations. Nous sommes conscients chaque jour que c'est toi qui maintiens en nous le souffle de vie. Nous prions ce matin au Père éternel et nous nous tournons vers toi pour que tu manifestes ta grâce, que tu manifestes ta gloire dans nos vies. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour nos proches qui ne connaissent pas véritablement Jésus-Christ, dont Jésus-Christ n'est pas le berger. Ils vont à l'église, ils vont à la messe, ils vont au culte, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas de véritable relation avec Jésus. Nous demandons, Père éternel, que tu te manifestes dans leur vie, que tout esprit de religiosité soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Saul de Tarse était religieux. Saul de Tarse pensait servir véritablement Dieu et il persécutait les chrétiens. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a été transformée. Sa vie a été changée. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous intercédons en faveur de nos proches qui sont religieux mais qui n'ont pas de relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père éternel, dans leur vie. Que tout joug d'incrédulité, tout joug d'aveuglement, toute couverture qui les empêche de s'épanouir spirituellement soit ôtée dans le nom de Jésus. Nous déclarons que ces jougs sont brisés, les jougs sataniques, les jougs d'aveuglement. Merci Père éternel, parce que nous avons l'assurance que notre prière était exaucée. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour présenter au Seigneur nos besoins. Nous allons d'abord présenter nos besoins physiologiques, nos besoins physiques. Tu as un problème de nourriture, tu as un problème de vêtements, de paiement de factures, un problème de visa, un problème de voyage, un problème de promotion, un problème de mariage. Tu cherches un enfant, tout ça ce sont des besoins. C'est lui qui nous conduit vers le vert pâturage au nom de Jésus et il nous conduit dans les sentiers de la justice. Nous allons prier le Seigneur. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, nous te demandons, ô Père, de recevoir notre prière de reconnaissance, notre prière d'action de grâce. Nous prions, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont dans les besoins. Nous demandons, Père, de pourvoir à nos besoins physiques, à nos besoins matériels, ceux qui ont besoin de promotion, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de finances pour joindre les deux bouts. Ouvre les portes de bénédiction, ô Père éternel, afin que ces besoins soient pourvus dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions contre tout obstacle, tout blocage, tout ce qui empêche les enfants de Dieu à recevoir leur bénédiction. Ouvre ces portes, ô Père éternel, et que ta grâce se manifeste dans la vie de tes fils et de tes filles. Ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de se construire, ceux qui ont besoin de mariage, ceux qui ont besoin d'enfantement. Nous prions, ô Père, et nous invoquons ton Saint-Nom. Rencontre chacun de tes fils et de tes filles sur le point de leurs besoins. Manifeste ta bonté, manifeste ta miséricorde, afin que tes enfants marchent dans le sentier de la justice. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce et nous te disons merci parce que tu es Dieu d'éternité en éternité, parce que tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que c'est le bon berger qui nous conduit dans les sentiers de la justice. Nous avons besoin de la direction divine dans les décisions que nous prenons, même pour commencer les affaires. Mon frère, on ne commence pas les affaires comme ça. Je vais prévenir une sœur. Tu veux t'associer avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Fais attention. Donc, lorsque tu vas connaître des problèmes là, il ne faut pas dire Dieu m'a abandonné. Il faut chercher d'abord la volonté de Dieu. Le monsieur avec qui tu veux t'associer dans les affaires, Dieu t'a révélé que c'était un homme qui n'est pas honnête. Donc, il faut chercher la direction de Dieu. Il va te conduire dans les sentiers de la justice. Prions le Seigneur. À toi, éternel notre Dieu, toute la gloire, toute la puissance, tout l'honneur, parce que tu ne nous as jamais et jamais abandonnés. Chaque fois que nous crions à toi, tu nous réponds. La Bible dit que tu sauves les pieux, les justes et les fidèles ne peuvent pas disparaître devant toi. C'est pour cela ce matin, en tant que racheté, en tant que fils du royaume, nous t'invoquons et nous te glorifions. Ne nous laisse pas prendre des décisions hors de toi. Merci pour ton esprit donc qui nous aide à te consulter dans toutes les décisions que nous devrions prendre, dans les décisions de nous marier. Nous comptons sur toi, nous avons les yeux vers toi et nos cœurs contemplent ta gloire pour que tu localises ce frère avec cette sœur au nom de Jésus-Christ. Dans les décisions de faire les affaires, dans nos carrières, merci d'orienter et de diriger quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Dans les décisions même de voyager et de faire quoi que ce soit, dans les moindres décisions de notre vie, nous avons besoin de te contempler. Nous avons besoin de recevoir la direction divine, de recevoir le focus qui vient de toi, de recevoir l'orientation qui vient de toi. Merci d'aider quelqu'un à sortir de cette décision qui ne te glorifie point. Merci de faire sortir cette femme de cette relation. Et ouvre-nous les portes avec toi afin que nous prenions les décisions meilleures pour l'avancement de ton royaume. Bénis quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.